Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Question 116. De la contradiction. Son opposition à la vertu d'affabilité. Comparaison avec la flatterie. 1. La contradiction est-elle contraire à la vertu d'amitié ou d'affabilité? La contradiction, par laquelle on attaque les paroles de quelqu'un dans la conversation, est un conflit qui peut avoir deux causes. Parfois on s'élève contre ce que dit une personne, parce qu'on n'a pas pour elle l'amour qui unit les cœurs, la contradiction revient, dans ce cas, à la discorde, contraire à la charité. D'autres fois, la contradiction provient de ce que l'on ne craint pas de causer de la peine aux personnes qui parlent, alors elle est spécialement contraire à l'amitié ou affabilité, qui, dans le commerce de la vie, cherche à plaire aux autres. Contredire sans craindre d'affliger, disait Aristote, est le propre du caractère fâcheux et querelleur. 2. La contradiction est-elle un plus grand péché que la flatterie? La contradiction est en soi un péché plus grand que la flatterie. L'une et l'autre sont contraires, il est vrai, à la vertu de l'amitié, mais l'amitié ou affabilité nous porte plus à faire plaisir qu'à causer de la peine. Le contradicteur qui donne trop de tristesse est visiblement plus coupable que le complaisant ou le flatteur dont le tort est de vouloir se rendre trop agréable. Toutefois, la flatterie peut, à son tour, l'emporter en gravité dans les motifs qui font agir, lorsque, par exemple, un adulateur veut tromper pour obtenir injustement des richesses ou des honneurs. Mais la contradiction renferme plus de malice encore chez celui qui a l'intention de combattre la vérité ou d'attirer le mépris sur quelqu'un. Note. On nous dira peut-être que la flatterie paraît plus basse et plus honteuse que la contradiction. Nous en convenons, mais le péché qui donne le plus de honte n'est pas toujours le plus grave. On rougit de la flatterie plus que de la contradiction. Et cependant la contradiction, qui renferme un plus grand mépris, a plus de gravité que la flatterie. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.